couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région et même de la grande région. Coucou à nos amis en Alsace, à nos amis en Champagne-Ardenne et partout ailleurs. Pierre au micro, on est sur Facebook, Fadjet-6 Couleur Locale. Bon appétit, que vous nous écoutiez samedi à 13h ou dimanche à midi, votre estomac est contenté, vous êtes sustenté. Ça fait du bien. Nous aussi, on va vous nourrir double ration de nourriture, mais on ne va pas s'intéresser à des aspects physiques, on va s'intéresser à des aspects spirituels, émotionnels. On va nourrir votre âme, on va nourrir votre cœur, votre esprit. Vous allez être illuminés, mes chers amis sur Fadjet, avec Anthony Da Silva. Salut Anthony. Salut Pierre. Ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Très belle entrée en matière, n'est-ce pas ? Bah, c'est plutôt pas mal, oui. On est bon. J'ai rarement vu ça. Ah ouais, j'ai rarement vu ça, mais moi aussi, on se jette des fleurs. Tu es chanteur, tu es guitariste, tu es un véritable showman. Eh bah écoute, j'essaye en tout cas. J'essaye de coller le plus possible à ce groupe qui est le mien et qui s'appelle Phoenix 66. Phoenix 66. Et avec lequel bien, je reprends maintenant depuis plus de 5 ans. Les titres de notre bien-aimé Johnny qui, hélas, nous a quittés et qui aurait dû avoir normalement 80 ans là, cette année au mois de juin. 80 ans ? Ah oui, il était si vieux que ça quand il est parti. Et oui. Et, ah ben la vache. Ouais, il tenait encore la route quand même. Hein. Ah ben c'est vrai que c'est un véritable showman. Johnny Hallyday, d'ailleurs, on en parlait parce que j'étais déjà reçu en émission. Parler un peu de, mais on va en reparler de comment t'as découvert et comment tu t'es plongé dans son univers. Mais figure-toi que depuis que je te connais, depuis que je connais Phoenix 66, pardon, il y a du Johnny Hallyday dans ma playlist. Ah bah il serait temps. Il serait temps quand même. On vous invite tous, hein, chers. Comme quoi, chers ça a du bon hein, de connaître Phoenix 66. Alors on va, c'est vrai, effectivement. Alors on va déjà enlever toutes les supputations que les auditeurs pourraient avoir. Tu n'es pas un sosie. Alors non, je ne suis pas un sosie, je ne suis pas un sosie vocal, je ne suis pas un sosie physique non plus, bien loin de là. Et déjà, je suis plus petit, je suis brun avec les yeux bruns, donc c'est, ça déjà, pas. C'était pas bon, à moins d'utiliser des perruques et des lentilles de couleur, ça le fait pas. Non, puis en plus, c'était pas du tout, c'est pas du tout dans l'ADN. Moi, ça fait 25-30 ans en fait, que Johnny Hallyday fait partie de mon répertoire. Depuis que je l'ai découvert, je devais avoir une quinzaine d'années. Et voilà, il a... Alors, c'est vrai que dans mes débuts, j'ai eu tendance à vouloir imiter un peu plus, à avoir la voix un peu rauque parce que je faisais ça dans les balles et puis les gens avaient envie d'entendre du Johnny comme s'ils écoutaient la radio, donc c'était un peu compliqué, c'était particulier. Et plus j'ai avancé et encore plus avec son décès, déjà dans un premier temps, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de continuer d'interpréter du Johnny parce que c'était compliqué d'avoir une certaine légitimité. Et puis au-delà de ça, ben voilà, on s'est dit avec Michel Tonnelier qui est mon producteur et surtout mon ami, on s'est dit si on va faire quelque chose, par contre, on sera pas dans la caricature, on sera pas dans le sosie, on sera pas dans l'imitation vocale, on va faire du Phoenix 66, du Johnny, mais tout en respectant le fait que ben, c'est Anthony Da Silva qui le fait. Anthony Da Silva chante du Johnny avec sa patte, avec son style. Et avec ses musiciens aussi, puisque Phoenix 66, c'est quand même une formation assez importante. Ouais, c'est une formation qui va de 6 à 9 musiciens pardon, actuellement. Et puis voilà, on espère mieux. Il y a des choses qui se préparent et j'aimerais bien encore agrandir le groupe. Alors, c'est pas toujours évident. Faut trouver les bonnes personnes déjà. Faut trouver les personnes qui ont compris ce qu'on faisait avec Phoenix 66 et dont l'ADN correspond à ce qu'on attend d'eux. Et puis que chacun puisse quand même emmener un peu sa patte, puisque c'est ça aussi. C'est vrai qu'on essaye de reprendre et d'être le plus fidèle possible à ce que faisaient ces musiciens, pour que les gens reconnaissent quand même bien les titres qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Mais malgré tout, voilà, chacun apporte son petit quelque chose. Alors vous avez un spectacle, je crois qu'il était en plus CD live. Il y a un CD live de ce, Ouais, alors il y a un DVD, il y a un CD DVD live qui existe, qui est disponible sur le site d'ailleurs pour les gens qui veulent se le procurer ou en général à la boutique lors de nos différents concerts, qui avait été fait avec une première équipe de Phoenix 66 et puis bien suite voilà on va juste entre parenthèses suite à mon accident j'ai voulu faire quelque chose encore de nouveau j'ai voulu professionnaliser le groupe en coordination avec Christophe Ressac donc le directeur artistique du groupe et voilà on a procédé au recrutement de deux nouveaux guitaristes un nouveau batteur un nouveau clavier. On a bien sûr gardé notre harmoniciste Victor Durin et puis Christophe à la basse. Et on est reparti sur un nouveau spectacle, Voyage au Pays des Vivants. Moi, ça me tenait à cœur. J'avais besoin de monter quelque chose de nouveau. Donc, c'était fin 2021. Et voilà, ça fait un an et demi qu'on tourne avec ce spectacle-là. On va avoir l'occasion d'écouter un morceau qui est issu de ce spectacle. Et puis, on t'écoutera aussi en live guitare-voix avec un titre de Johnny et un titre à toi. Puisqu'on aura aussi un concert à annoncer. Tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter de ce voyage? Alors, on va écouter alors de l'ancien, du coup, du DVD, du CD DVD live, donc du spectacle Requiem à l'époque. Diego, qui est une chanson qui, je crois, parle à tout le monde, même ceux qui sont un petit peu moins, un peu moins fans de Johnny. Souvent, je le vois dans les concerts, on a les fans de Johnny bien sûr qui viennent nous voir, mais pas que. On a une nouvelle génération qui des fois vient s'intéresser, on a des gens qui n'écoutaient pas forcément du Johnny mais qui viennent quand même nous écouter parce que l'interprétation est différente malgré tout de ce que faisait Johnny et qui sont nostalgiques malgré tout d'un artiste qu'ils n'ont pas eu le temps de connaître. Et en général c'est une chanson qui marque relativement les esprits parce que c'est une chanson, on est toujours en tant que chanteur, quel que soit le chanteur, on est toujours un peu attendu sur ce morceau-là parce que c'était un des morceaux les plus connus, puis surtout un bel hommage à son ami Michel Berger qui avait écrit ce morceau-là et Johnny le chante parfaitement bien. Diego de Phoenix 66, on est avec Anthony Da Silva, enfin de Phoenix 66 pour cette interprétation, mais évidemment c'est de Johnny Hallyday. Oh, quand même! Laissons à César ce qui appartient à César. Ouais, c'est toujours particulier à annoncer. On est avec toi pendant une demi-heure d'émission à suivre de live acoustique. Vous écoutez Fadjet Couleur Locale. Des barreaux. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, dehors il fait chaud. Et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Sans dehors peut-être. déjà mort, peut-être. Diego, un titre de Johnny Hallyday repris par Phoenix 66. On est avec Anthony Da Silva. Et oui, je suis là. Il est là, le chanteur. D'ailleurs, un groupe, j'en profite, hein, donc je suis là, un groupe que vous pourrez retrouver. Alors, on a décidé, comme Johnny devait fêter ses 80 ans ce mois-ci, et que c'est quand même une date assez particulière, on a décidé, nous, on a réussi à le fêter sur trois dates. Ah ouais, carrément. Qui sont le 17 juin à Adol. Donc pour ça, il suffit d'aller sur le site internet, hein, www.phoenix66.net pour trouver les renseignements. On sera le 24 juin à Marnay-sur-Marne, en extérieur, en plein air, et c'est gratuit. Donc on invite également tous les gens à venir nous rejoindre là-bas, même si ça fait un peu loin peut-être de Nancy, mais... D'autres font le voyage, d'ailleurs, j'en profiterai pour avoir une pensée pour eux tout à l'heure. Et puis le 30 juin, on a décidé de faire ça à Bande-Lavelines, c'est à côté de Saint-Dié, c'est chez moi, c'est dans mon petit village. Nickel. Et c'est un concert qu'on devait faire avant Covid, non, juste après Covid, mais qui était programmé avant que j'aie mon accident. Donc voilà, on va enfin le faire et on va enfin venir à Bande-Lavelines. Et pour ça, pareil, sur le site, il ne faut pas hésiter à aller voir pour réserver les places. Il est conseillé de réserver parce que la salle n'est pas très très grande. Et puis, nos partenaires locaux qui vendent également des billets. Je pense à la boulangerie Aux Délices de Quentin, qui est la boulangerie de Bande-Lavelines. Et je remercie bien sûr Céline d'avoir accepté une nouvelle fois d'être point de vente pour nous, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Et puis l'espace culturel Leclerc de Saint-Dié également qui nous a accueillis vraiment les bras ouverts, et ça fait plaisir de voir que les grandes surfaces aussi comprennent l'intérêt qu'il y a à faire des choses locales et à faire bouger les villages alentours. Quoi. Tu ramènes Johnny chez toi ? Je ramène Johnny chez moi. Bah, déjà, je le ramène tout le temps. Au grand dam de certains peut-être, mais je le ramène tout le temps. Et puis oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi je l'ai découvert sur le tard au final, hein, parce que je l'ai découvert, j'avais 15 ans, c'était dans les années 90. Donc j'ai loupé une partie de sa carrière, mais bon, je me suis pas trop mal rattrapé, je pense. Et puis je pense que les titres, malgré tout, qui ont marqué le public et les gens qui nous suivent, je parlais hein, à l'instant, il y a des gens qui n'hésitent pas à faire 2-3 heures de route des fois pour venir voir Phoenix 66. Et des fois, je suis même un peu gêné, je me dis mais comment c'est possible, et à côté de ça, je suis quand même assez fier, parce que c'est qu'on correspond à ce qu'ils attendaient de groupes qui rendent hommage aux tauliers. Et voilà, et toutes ces personnes-là ont envie, dans l'absolu, d'entendre à peu près les mêmes chansons. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye, malgré tout, de faire les chansons les plus connues. Il y en a certaines que les gens ne connaissent pas, qu'ils ont l'occasion de découvrir ou de redécouvrir. Les fans, bon, c'est rare qu'il y en ait une qu'ils ne connaissent pas. Mais voilà, pour les moins fans et pour la nouvelle génération, bah, voilà, on essaye de faire pour tout le monde. Et puis surtout, comme j'ai l'habitude de dire, on est les disciples de Johnny. À notre manière, on essaye de porter la bonne parole qu'il nous a laissée, parce qu'il a... Il a une discographie très, très, très importante, trop importante pour que tout le monde... Il y a 40 albums, un truc du genre, non ? Ouais, oui, pour ce qui a été enregistré. Hein, mais on est sur une base de plus de... pas loin de 1000 titres. Donc forcément, on est obligé de puiser dans les titres où les gens vont se reconnaître. Et dans la plupart des titres, c'est des titres qui, moi, me tiennent vraiment à cœur, parce que c'est des chansons qui me parlent et que j'aurais peut-être pu chanter en tant qu'Anthony Da Silva si on avait bien voulu les écrire pour moi. Et puis dans l'ensemble, voilà, c'est des titres qui correspondent à tout le monde. Et il fait partie du patrimoine de la chanson française. Et il y a des titres tellement beaux et des textes tellement beaux qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas et que les jeunes n'auront pas l'occasion de connaître, qu'il faut absolument faire quelque chose pour qu'ils les connaissent, quoi. Je trouve que c'est une démarche très intéressante. Mais t'avais pas besoin de moi pour le savoir. Ce que les auditeurs, eux, veulent savoir par contre, c'est le lien de ton site internet, parce que ça fait deux fois que tu le mentionnes, mais en fait... www. www.phoenix66.net. Ah, j'étais sûr que c'était ça, mais je voulais pas le dire parce que j'avais peur que j'avais peur de dire une bêtise. Vous êtes sur Facebook aussi? On est sur Facebook aussi, Phoenix 66, les disciples de Johnny. Les gens peuvent me retrouver également en solo. Bon, après, c'est une partie que j'ai laissée un petit peu plus en sommeil pour le moment. Mais ils peuvent me retrouver sur Anthony Da Silva officiel également, sur Facebook. Et voilà, et on manque pas d'échanger. J'essaye de répondre à chacun parce que c'est important aussi. Je me suis rendu compte, on est allé à Épernay il n'y a pas très longtemps. Et je me suis rendu compte ô combien les gens avaient besoin d'un lien. Alors c'est bizarre hein, de le dire comme ça, et ça fait peut-être un peu prétentieux, mais ils ont un besoin de lien avec Johnny. Et aujourd'hui, je pense au président d'association qui nous avait accueillis là-bas, Jacques Blavier, à moi aussi, fatalement, on fait partie de ces liens, en fait. C'est-à-dire que les présidents d'association qui véhiculent encore l'image de Johnny, les groupes qui véhiculent encore l'image de Johnny et ses chansons, ben les gens ont besoin, y a des gens qui ont besoin de ça, parce que je me suis aperçu qu'il y a des gens qui, à part Johnny dans leur vie, n'avaient pas grand-chose, et ils ont vraiment perdu plus qu'un membre de la famille. Ils ont perdu pour certains, un père, un frère, un fils... Et ils ont vraiment perdu beaucoup quand il est parti. C'est assez impressionnant hein, de le dire comme ça, ça a l'air de rien. Il faut vraiment aller à la rencontre des gens pour s'en rendre compte. Et j'ai été très, très, très touché par l'accueil qu'on a eu à Épernay. Effectivement, tu voyages au pays des vivants, c'est un peu ramener Johnny à la vie, finalement. Ben oui, bon, il avait un spectacle hein, qui s'était intitulé comme ça, alors je l'ai appris qu'après. Mais il avait un spectacle qui s'était intitulé « Voyage au pays des vivants » et donc la chanson « Voyage au pays des vivants ». Et moi, ça me tenait d'autant plus à cœur que c'était mon premier spectacle depuis mon accident. Donc forcément, « Voyage au pays des vivants », ça prenait tout son sens. Tu l'as vu, Johnny, en live ? Je l'ai vu 3-4 fois. Et j'en garde un souvenir... Absolument, enfin c'est comme si c'était hier. Et pourtant comme ça date d'il y a la dernière fois c'était il y a 10 ans. Et vraiment c'est comme si c'était hier tellement j'en ai pris plein les oreilles, plein les yeux. S'il y a une chose que j'ai toujours respectée hein, d'ailleurs c'est au-delà de l'homme qu'il était, c'est vraiment la bête de scène quoi. Voir ce qu'il était capable de faire même à la fin de sa vie quand on évoque la tournée des vieilles canailles. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui auraient réussi cette performance-là, mais bon, en même temps, la scène c'était chez lui, donc et je pense que plusieurs fois il a dit c'est ma dernière tournée. Je sais pas combien de fois il l'a dit, 3, 4 fois, 5 fois. Chaque fois il est revenu. En 2009 c'était sa dernière tournée. Au final, en 2017 il était toujours sur scène. Donc non, c'était un exutoire pour lui. C'était, il en avait besoin et c'était un besoin qui allait au-delà de la maladie. Finalement, je te retrouve un peu là-dedans aujourd'hui. Ben oui, c'est ce que j'ai tendance à me dire. Alors, toute proportion bien gardée, hein, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être bien épaulé quand j'ai eu cet accident, de me rendre compte que j'étais très bien entouré et que ben, y avait une paire de personnes quand même qui avaient envie de me revoir sur scène avec Phoenix 66. Et je m'en cache pas. C'est vrai que c'est peut-être, je sais pas comment on peut prendre ça, mais voilà, moi c'est Johnny qui m'a donné, qui m'a poussé envie de revenir, parce que par Johnny, j'ai connu ces personnes-là. Je les aurais pas connues. Et les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé m'ont donné envie de revenir sur scène. Et aujourd'hui, autant il pourrait me manquer une jambe, s'il me manquait mes cordes vocales, ce serait un autre souci. Et pour moi, la scène, ouais, c'est important aussi, parce que bah, c'est un des rares endroits où, oui, en effet, je me sens chez moi, quoi. Et donc du coup, on passe de Johnny Hallyday à Anthony directement. Alors directement, c'est pas de nom de famille, hein. C'est juste un adverbe. C'est drôle ça. Et justement, Anthony Da Silva, justement, nous allons écouter un morceau à toi. Et bien avec plaisir. Vous écoutez Couleur Locale sur Fadjet au 94.2 FM à Nancy et sur Fadjet.net. Le podcast sera disponible en replay pendant une semaine sur Fadjet.net. On est avec Anthony Da Silva, chanteur de Phoenix 66, qui va nous interpréter un titre de son cru. Il est en train de se préparer, ce sont les conditions du direct. J'espère que vous passez un bon week-end ensoleillé et sous la chaleur de l'été. Anthony Da Silva, et on écoute. Je suis né. Je suis né. Vous m'avez fait tel que je suis. Je voulais être un homme debout. chaînes trop lourdes pour mon cou. Vous m'avez même roué de coups. Mais aujourd'hui tout ça ne changera plus rien. Je suis né pour vivre au gré du vent. Je suis prêt pour vivre mes passions. Ta tête gronde, ne garde pas tes mains liées. Pour une minute, une seconde, réveille ton instinct oublié. Je suis né pour vivre au gré du vent. Je suis prêt pour vivre mes passions. Je suis fait pour vivre chaque instant. Derrière vos belles manières, un loup solitaire. Derrière vos belles manières, je suis né. Je suis né, Anthony Da Silva, une composition de son cru. Est-ce qu'il y en existe d'autres? La planète a envie de savoir. Alors, il en existe quelques-uns qui n'ont pas été encore enregistrés pour la simple et bonne raison que voilà, je m'étais donné le temps moi de surtout m'occuper de ma santé. Et que étant donné voilà, étant donné les soucis que j'ai eu, je souhaitais surtout remonter sur scène avec les chansons de Johnny et Phoenix 66 parce que je sentais qu'il y avait une réelle attente de la part du public. Moi, il faut savoir que bon, le titre Je suis né est sorti depuis 3 ans. Derrière ça, il y a le Covid qui s'est invité, donc pas forcément beaucoup l'occasion de pouvoir le jouer sur scène. Juste avant la sortie du Covid, cet accident-là. Pour moi, le plus simple malgré tout, physiquement, aussi bizarre que ça puisse paraître peut-être parce que ça reste du Johnny, physiquement, c'était plus simple pour moi de reprendre Phoenix 66. Parce qu'il n'y avait pas toute la partie musicale dont je devais m'occuper. J'ai une équipe derrière qui tient très très bien la route et qui me permet vraiment d'être sur scène. Et d'ailleurs je les remercie hein, tous et je pense bien à eux et ô combien je suis fier de travailler avec ces personnes-là. Et voilà, je sais qu'ils m'aident à tenir la barque. Donc moi, j'ai plus qu'à poser ma voix et faire le show, ce qui est quand même un avantage non négligeable, et tu le sais aussi très bien. Voilà, quand on n'a pas à se soucier des problèmes techniques et de tout ce qui peut s'en suivre. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Anthony Da Silva sur Fadjet, dans Couleur Locale, 94.2 FM à Nancy, Fadjet.net. Phoenix 66, Voyage au pays des vivants. Du Johnny Hallyday, mais avec ta sauce à toi, ta pâte à toi. Par contre, je me rappelle, lors de notre première interview, que tu m'as dit, ce n'est pas de la copie, effectivement, mais que tu reprenais quand même certains gestes. Alors, ouais, que les gens attendent. Alors, comme je dis des fois pendant les spectacles, je ne suis pas sosie, je ne suis pas imitateur. Par contre, il m'arrive de faire mon Johnny. Et y a des petits gestes, parce que je sais que le public qui le connaissait et les fans ont l'habitude de voir ces gestes-là. Et pour qu'il y ait un petit peu sa présence, voilà, il y a certains petits gestes qu'on, qu'on, que je reprends. Il y a des fins de chansons, bah voilà, comme le titre qu'on a écouté tout à l'heure, Diego, où à chaque fois, il a jamais pu finir cette chanson tout seul. C'est jamais arrivé. C'est le public qui l'a finissé avant lui. Et voilà, c'est des choses qu'on est obligé de faire parce que ça fait partie pour moi de l'esprit de Johnny et des codes à l'idée. J'appelle ça les codes en fait. Le code à l'idée. Et les codes à l'idée, c'est le son. Ils font un son qui soit à la hauteur de ce que donnait Johnny, une lumière qui soit à la hauteur aussi. Et puis, le reste, il faut quand même que les gens soient au spectacle, quoi. Faut leur en donner entre guillemets. Pour leur argent, on peut pas faire les choses à moitié et on peut pas chanter du Johnny comme on chanterait du Christophe Maé. Et voilà, il faut le faire à fond, quoi. C'est quoi la suite pour Phoenix 66? Alors la suite pour Phoenix 66, je l'espère d'ici fin d'année, un nouveau spectacle. Ah ouais. C'est dans les tiroirs. On a des dates qui commencent à se profiler avec un calendrier quand même qui commence à se profiler aussi. Bon, il y a encore des discussions autour de tout ça parce que c'est beaucoup d'exigences, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de moyens techniques, et qui dit moyens techniques dit forcément moyens financiers. Et voilà, faut faire les bons choix et puis être sûr de la direction qu'on prend. Je pense que la direction, c'est la bonne. On l'a encore remarqué il y a pas longtemps lors de concerts où vraiment on a senti que même les vrais fans respectaient notre travail et étaient vraiment en adéquation avec ce que on leur proposait comme spectacle. Mais moi, je voudrais aller encore un petit peu plus loin pour réussir à avoir vraiment sa présence à lui, que les gens, les grands-parents, peut-être quand ils emmènent leurs enfants, leurs petits-enfants par la main, voir nos concerts, puissent ressortir de là avec des souvenirs plein la tête, en fait, pour ceux qui sont allés le voir en concert, et que le spectacle leur permette de ressentir des choses qu'ils ressentaient lors de ces concerts. C'est toujours sans prétention, hein, vraiment avec beaucoup d'humilité, mais j'ai envie que j'ai pas envie qu'ils viennent pour rien juste écouter des titres. Si c'est pour écouter des titres, ils peuvent très bien passer un CD, ils peuvent très bien passer un DVD, ils peuvent aller sur YouTube, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux que s'ils se déplacent là, c'est parce qu'il y a une différence et qu'il se passe autre chose. Et il faut qu'il y ait un partage, en fait. C'est surtout ça que j'attends. Anthony Da Silva de Phoenix 66, merci à toi d'avoir participé à cette édition de Couleurs Locales. Merci à toi. On rappelle le site internet phoenix66.net, le Facebook et 3 dates le 17 juin. À Adol. Donc c'est ce soir. Le 24 juin, ce sera à Marnay-sur-Marne. Ouais. Et puis le 30 juin, à Bande-Lavelie, n'hésitez pas surtout à réserver, pensez à réserver, parce que la salle n'est pas grande et on est limité. Donc on ne voudrait pas que vous arriviez devant et qu'on vous dise « bah non, vous ne pouvez pas rentrer, il n'y a plus de place ». Et allez, on va faire un tour au pays des vivants, s'il vous plaît, chers auditeurs. C'était Fadjet Couleur Locale, 94.2 à Nancy, Fadjet.net, le podcast une semaine en replay sur Fadjet.net. Et on se laisse quand même en musique avec un titre de Johnny Hallyday que tu vas nous interpréter. Le cœur en deux, écrit par Pierre Billon, ami de Johnny, et puis bien sûr notre parrain. Donc c'est un morceau que je voulais vraiment inclure au spectacle. Et puis on va essayer de le faire en live ici. Ben allez, on est parti. J'ai laissé mourir mes motos dans un coin sombre de ma mémoire, avec mes violences de star et mes chimères de château. J'ai les bouteilles que j'ai bues, filles que j'ai bien voulu prendre, les faux amis que j'ai connus, les matins tristes au goût de cendre. Que l'on m'ouvre le cœur en deux, on y trouvera ton visage, un peu de sang sur tes cheveux, sera mon dernier orage. Que l'on m'ouvre le cœur en deux, comme un fruit mûr gorgé d'orage, avec le fer, avec le feu, on y trouvera ton image.